C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout.